Bon, on est prêt, Ouais, ça on est va, prêt bon, quoi, attends, on y hop, va? je coupe, bon, je mets mon téléphone en Attends, silencieux. Franck. Ok, c'est bon. Franck, t'es prêt? On Tout à t'attend. fait. Vas-y, go. C'est parti. 3, 2, 1. Amis aventuriers, bonjour à tous et bonjour à tous! Sous! Sous! Sous! Sous! Sous! Sous! En fait, il faut qu'on vous dise la vérité, aventurier, aventurière, Franck nous a quittés. Il a exercé son droit à l'abandon. Et oui, tel Brahma, Franck a décidé de nous laisser et de partir pour de nouvelles aventures. À Barcelone. Au soleil, voilà. Ah putain, quel salaud. Quel salaud. Il est même pas content parce que les gens ils parlent pas anglais là-bas. Et qu'il peut juste bronzer toute la journée. Oh le pauvre, le pauvre. Mais bon, ça va pas nous empêcher de faire une belle émission, puis Ça nous permet de bousculer un petit peu les règles, hein, franchement, parce que là, le rythme dictatorial de Franck... Oups. Faudra le biper. Mais non, de toute façon, il fait plus partie de la bande. Hein, Exactement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ah oui, merde, on a dit son nom de famille, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, ouais. On le bipera, on s'en fout. Alors, on bipera son nom de famille, effectivement. Ouais, on bipera son nom de famille. Bon, c'est vrai qu'on a décidé de bouleverser un peu le rythme de l'émission, voilà. Le format de l'émission. Mais il y a quand même des choses qui ne changent pas. Quand vous allez chez des gens, vous leur dites bonjour. Eh ben nous, c'est pareil. On commence par quoi? On commence par la minute. C'était pas ça que t'attendais? Non, la c'était minute. La minute, mais eh ben, sous. Et une minute de résumé de l'épisode précédent, bien sûr, comme d'habitude. Qui nous est présenté par Sonia. Sonia. Bonjour aventuriers et aventurières, je m'appelle Sonia de Krolanta. Je suis amoureuse de Denis Brognard et je remplacerai Franck Bieb dès cet épisode. Aujourd'hui c'est moi qui fais la minute. Louis? Lucas? Prêt à me donner le top départ? 3, 2, 1... Go! Dès le début de l'épisode, on apprend que Claire est en observation à l'infirmerie depuis le conseil, la veille, et que Brahma envisage d'abandonner. On voit aussi que les tensions chez les rouges ne font que croître. L'épreuve de confort est l'emblématique épreuve de la boue. Mais avant le début de celle-ci, Brahma décide d'abandonner. Personne ne peut le raisonner, et son choix est définitif. C'est ainsi qu'après tirage au sort chez les rouges, qui dispense Manuela et Majorie, l'épreuve commence. Le principe est le suivant, trois membres de chaque tribu doivent aller au bassin de boue et en ramener le plus possible jusqu'à mi-parcours. À ce moment-là, ils doivent la transmettre, sans aucun récipient, à trois autres aventuriers, qui eux l'amènent jusqu'au saut final. À la fin de l'épreuve, les deux sauts sont positionnés sur un balancier, et c'est finalement les rouges qui remportent l'épreuve. Ils gagnent le traditionnel coup de téléphone à la famille. Peu de temps après, une épreuve surprise est annoncée. Top. Celle-ci annonçant un affrontement... Non, Sonia, pas plus. Mais très bonne minute, effectivement. Très bonne minute. Pile dans le timing. Merci les frères. Ouais. Pour une fois. Incroyable. Ouais, et... Bah bon, vous voyez, on fait avec les moyens du bord, hein, forcément. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gros balourd du Nord, hein, quand on peut avoir la douce voix de Sonia avec nous? Moi, je ne pense pas, hein. Soyons honnêtes. Son accent chantant. Oh là là, qui nous agresse avec ses coups d'aventurier aventurière là, hein. Non mais ras le bol, bon débarras, hein. On peut peut-être oser un bon dé Brahma, peut-être. Ah, ouh. Non mais moi je suis en haut là, moi je plane. J'applaudis. Qu'est-ce qu'il aurait fait là, l'autre abruti? Il aurait lancé. Eh ben, il nous aurait dit, bon alors, avant toute chose, petit générique, on va parler des épreuves. Boum. Ah ouais, on commence par les épreuves Ah, on commence par les épreuves, c'est ce qu'on avait dit. Non, on a dit l'abandon de Brahma. Ah, on commence par l'abandon de Brahma. Bon, alors on le refait. Alors, il y a des choses qu'on... Ouais, bah non, ouais, écoute, allez, on assume, hein. De toute façon, c'était c'est l'épreuve, bon, c'est là, parti. L'émission. Ouais. Alors, il faut dire, bon alors, les mecs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah allez, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé de quoi? Bah de l'abandon de Brahma. Ah. Et alors ouais, du coup l'épisode s'ouvre, il dit qu'il a envie d'abandonner, je sais pas, moi j'ai juste vu que le mec avait l'air décidé et qu'il savait ce qu'il faisait, tu vois, je pense que... Ouais, je sais pas, je trouve que je vois pas ce qu'il allait apporter de plus effectivement dans l'émission, Brahma, tu vois, je pense que... Ouais, de toute façon il allait pas gagner, il allait pas aller très loin, il était faible physiquement... Il s'était pas non plus révélé mentalement, franchement. C'est ça. Enfin, c'est plus les rouges qui ont essayé de le retenir que les bleus, tu vois. Donc, c'est quand même qu'il y avait un. Ouais, non, je pense servait un petit peu de caution du mec facile à éliminer comme argument pour le coup d'après en disant comme ça, c'est. C'était la mascotte, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, franchement. Que c'est le cas de le dire, ouais. Hein, une dread sur la soupe. Mais on l'avait pas trop demandé, il l'avait pas teasé du tout. Lui, il cachait tout, et puis d'un coup, il a dit oh, au fait, je suis égoïste et je me tire. Donc, bon. Ouais, j'ai pas trop compris son histoire d'égoïste, je veux dire, enfin... Ouais, c'est bon, il est forcément plus important que des mecs qu'il connaît depuis deux semaines, hein, ça étonne personne. Bah voilà, il leur doit rien, il a pas à s'excuser du tout, je veux dire... Il vient d'arriver, en plus. Surtout que c'est pas une bonne chose ni une mauvaise chose qu'il soit parti, enfin, tu vois, il était pas bon en épreuve, c'est pas ce qui fait que les... Alors effectivement, les bleus, ça leur faisait un gros coup moral, parce que l'émission s'ouvre, donc ils rentrent du conseil, où ils ont perdu Félicie. Claire tape un malaise en mode elle comprend plus rien à ce qui se passe et elle se sent pas bien, donc elle finit à l'infirmerie et le lendemain matin Brahma leur dit je vais me casser. Bon, c'est clair que ça fait mal au cul, c'est un peu catastrophique, c'est l'effet boule de neige là, hein. Ouais ah. Complètement, c'était strike, tu vois, c'était un strike d'un coup chez les bleus, et c'est vrai que le moral des bleus en a pris un coup, mais assez étonnamment, donc ils l'abandonnent juste avant l'épreuve de confort, et les bleus sur l'épreuve de confort ils sont ultra motivés, quoi, ils sont et qu'il s'agit de faire les petits fumis cracas, parce que, rappelons-le, l'épreuve était celle de la boue. Alors, il y a quand même un petit point commun, on pourrait dire un champ lexical entre les différentes épreuves de cette émission, c'est que vraiment, elle coûtait que dalle. C'était centre aéré, on pouvait toutes les faire dans son jardin avec un budget de 10 balles. Et donc, la première épreuve, c'était de se rouler dans la boue et d'aller se caresser au-dessus de peau pour la faire tomber dedans. Et avoir le pôle plus rempli de boue. Ah ouais, alors la chose à noter, c'est quand même que d'habitude, c'est une épreuve individuelle, ouais. Et que là, ils en ont fait une épreuve de groupe, donc avec petit frotti-frotta les uns les autres, et une paire de punchlines du genre Vincent qui dit à Frédéric « Oh putain, t'en as plein de derches !» En parlant de derches, on a vu celui de Clem Larage, hein, sans complexe, avec la culotte au milieu des cuisses. Dégueulasse. Ça serait bien passé. Voilà. Ça serait bien passé, ouais. Moi, j'ai trouvé que franchement, c'était rigolo. C'était un peu dégueu, il y avait le côté un peu Fort Boyard de creuse ton dos, je vais me m'essorer les cheveux sur ta tête. C'était marrant. Je trouvais ça cool, et puis ni trop long ni trop court, bon rythme, ça. Tu vois. Et puis c'était un bon moyen d'oublier. Et pour moi, surtout, j'aime bien aimer la manière dont les équipes se motivaient. Quoi, ouais. Tu vois, là, il y a eu une vraie impulsion. Finalement, on a plus vu les bleus parce qu'il y avait une vraie impulsion chez les bleus, les rouges étaient peut-être plus calmes. Totalement. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment cru que les bleus allaient gagner, tu vois. Moi j'ai senti, c'est ça. Aussi, d'ailleurs. J'ai senti qu'ils nous montaient la tension en nous disant regardez, ils vont gagner. Et puis finalement, on n'a pas compris, hein. Hop, Denis enlève finalement l'espèce de cadenas qui retenait la balance, ouais. Et bam, d'un coup, le pot rouge s'écrase au sol, beaucoup plus lourd que celui du bleu. Ouais, un peu étonnant. Et finalement, du coup, les bleus remportent. Remportent cette première non, épreuve. Ils perdent. Les rouges remportent cette première épreuve. Oui, je trompe dans les couleurs, désolé. Ah oui, on n'a pas dit ce que c'était la récompense, au fait. Eh ben, tu sais pourquoi? La récompense, c'était. Parce que je m'en souviens plus, je la cherche depuis tout à l'heure, vas-y. Ah ouais, sérieux? C'était l'appel à la famille, mec. Ah, mais oui, évidemment. Le fameux. Le très célèbre. Le très attendu. Ouais, incroyable. Et donc les bleus étaient ultra motivés. Ah ouais. Notamment, par exemple, Yves. Alors j'ai pas vraiment compris, Yves qui nous dit qu'il l'a pas dit à sa famille. Mais en même temps, on voit le portrait avec ses filles et tout ça, donc j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire par là. Ah non, Yves, il voulait demander. Mais après, oui, il voulait début, demander il, sa, début, il dit qu'il sa gamine en mariage, c'est ça, hein, j'ai cru comprendre ça. Ouais, c'est ça, ouais, sa femme, entre guillemets. Oui, en mariage, c'est ça que je voulais, voilà. Parce que lui, il en a fait deux, il s'est dit jamais 203. Hein, donc, exactement. J'espère que. Je sais pas s'il sait que c'est pareil pour les divorces, mais bon. Ouais. On verra. Bien. Et puis surtout que. Oui, c'est ça. En plus, lancer dans une télé-réalité, en général, c'est mauvais délire. Ouais. C'est un bon moyen de la forcer à dire oui, quand même. Malin, le Yves. Oui, oui. Ouais, comme les mecs qui demandent en public pour que la meuf ose pas dire non, quoi. C'est un exactement. Peu. Bande de salauds. Hein. Et. Donc du coup, ouais, les bleus perdent, et là ils tapent des têtes, mais... Enterrement. Le regard, il y a de la détresse dedans, quoi. On dirait le regard du mec dans Apocalypse Now quand il sort de la flotte, là, tu vois, et qu'il a vu tellement de choses horribles. C'est ouais, terrible. Ils sont souillés, quoi, c'est terrible. Moi, je pense qu'ils avaient à peu près la même tête que nous, quand on a commencé à se rendre compte qu'ils rajoutaient des sons de bulles d'eau à chaque fois que les mecs touchaient la boue. Alors, le fameux stagiaire dont on parle assez régulièrement, donc lui, il a trouvé un nouveau moyen de s'exprimer. Après, le bruit des boules, le bruit des éclairs, les cris de tonnerre et le fameux bruit de chouette quand on a vu les fesses de Clémentine, il a décidé de rajouter des bruits de bulles quand les mecs pataugent. Insupportable, horrible. Je pense qu'on devrait lui trouver un prénom, ce stagiaire. Damien. Damien, putain Damien, tu Damien, déconnes. Stagiaire, Damien, stagiaire, son mec, obligé. Ouais, franchement, Damien, écoute, envoie-moi ton CV, on va trouver un truc, parce qu'il faut pas que tu bosses sur Koh-Lanta, t'es en train de... Moi, je veux bien te filer du taf, hein, franchement, mais là, c'est pas possible. Tu vas faire ouais, le son pour Koh-Lanta, ouais, tu vas faire le montage et tout, on te paye. Là, ça ferait pas de mal, hein, d'ailleurs. bon ça va. Et donc, alors, les coups de téléphone, génial, comme d'habitude, forcément, parce qu'émotion. Bon, alors... On reviendra sur le compteur de pleurs plus tard parce que c'était notre jeu d'alcool, mais c'est vrai qu'on a eu des belles séquences. Moi, je pense à Manuela qui m'a vraiment ému, tu vois. Elle a pété un câble, tu vois. Enfin, ouais. elle a tenu bon pendant l'appel, mais alors à la fin quand elle s'effondre et qu'elle est en mode oh mon dieu, mais elle est heureuse, tu vois. Mais en même temps, elle est. Putain, franchement, tu te dis. Bah ouais, c'est des émotions que tu peux avoir que si tu bouffes pas pendant super longtemps sur une île paumée et que tu te prends de la flotte, mais ça a l'air fort, quoi. Ouais, j'ai jamais vécu un truc comme ça, en tout cas, tu vois, ça m'a impressionné. Grave. Mais j'ai trouvé aussi les mecs touchants et parfois un peu ça a changé leur image à mes yeux, tu vois, genre Bastien et Sandro, j'ai failli dire Benoît, bien sûr. Bastien et ouais. Sandro, je les ai trouvés sympas, tu vois, plus humains, ils s'éloignaient un peu de leur image, ils essayaient ouais. de faire les durs un peu. Mais Sandro, j'ai pas trop de problèmes avec lui, c'est quelqu'un que je trouve... Non, mais on le sentait pas trop dans l'émotion et dans la démonstration ouais, avec sa femme, tu vois. Et là, pour le coup, ça a été le cas, moi j'ai trouvé ça agréable. En même temps, elle est super belle, tu vois, il y a raison de vouloir la garder, tu vois. C'est vrai, après, moi c'est plus Sébastien, tu vois, Sébastien qui est assez en retrait, qui est assez ouais. dans le... Ouais, c'est tu vrai. Vois, finalement, Sébastien, j'avais oublié qu'il avait des enfants, tu vois, ouais. et là, le voir ouais, comme ouais, ça, ouais, ça ouais, m'a... Ouais. Je l'ai trouvé très chouette, tu vois. Ouais, grave. Et puis, bah alors, Yacine, incroyable. Alors, ah Yacine, oui. impressionnant. Yacine bat les couilles. Vraiment. Je trouve pas. Je pense juste qu'il a réussi. Enfin, je sais pas. Mais ils ont l'air d'être vraiment sur la même ligne avec sa femme. Parce qu'elle, elle a pas fait de cirque non plus. Hein. C'était vraiment bon. Les enfants vont bien. Tu me le gardes à l'intérieur avant que j'arrive. Hein, parce que sinon, je vais gueuler. Et puis, c'est tout, quoi. Mais en même temps, ça avait l'air de tourner. Hein. Ils avaient l'air d'être contents d'être au téléphone ensemble. Ouais, carrément. Ouais, trop mignon, ouais. Je les aime bien. Les petits cris de sa gamine, c'était rigolo. Mais tu vois, mais c'est vrai que quand tu disais qu'il y a des gens, moi même Maria, tu vois, Maria, je l'ai trouvé quand elle a demandé à son mec si il mangeait bien. Ouais. En fait, ça c'est pas quelqu'un que c'est. Enfin, moi je pense que voilà, c'est vrai qu'elle est un peu oisive et que je sais pas si elle a sa place, mais en tout cas là, je l'ai trouvé émouvante, tu vois. Et. Ouais, bon, tu veux dire qu'elle est complètement conne, quoi, par exemple. J'aurais bien aimé dire non, mais j'ai pas la force. Bah oui, voilà. Ah, elle est pas maline, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, elle est du sud, quoi. Faut pas lui en vouloir. Hein. Alors, tous les soudistes qui nous écoutent. Voilà, je me désolidarise complètement. Vous aime. Paris est magique, mais quand même. Hein. On respecte, moi je respecte toutes ces choses. Ah, moi je regarde les Marseillais, donc ça rééquilibre. Ah, moi j'écoute Jules. Donc, voilà, c'est chacun son truc. Bon, bah c'est bon. Ouais, ouais, ouais. On est des vrais gars du sud. Non, mais moi je voulais. Parce que bon, là on est parti un peu dans la médisance. Donc, quitte c'est à autant enchaîner avec Clémentine. Tout. Voilà, Clémentine qui a quand même qui a demandé si son mec pouvait lui envoyer un contrat pour lui dire qu'il l'aimait, hein, tu vois, qu'il voulait bien la garder. Insupportable. Gênant. Ça a réussi à être plus gênant que ce qu'aurait été la demande en mariage de Yves au téléphone, tu vois. Vraiment horrible. Est-ce que tu m'aimes quand même, elle a dit, en hurlant au téléphone alors qu'il avait même pas encore eu le temps de lui répondre à son bonjour, puisqu'elle a déversé une diarrhée vocale insupportable. Qui a dû faire exploser le budget data de la production. Avant, c'était horrible. Alors moi, il y a une question que je me suis posée pendant cet appel, c'est les candidats avaient pas l'air d'entendre ce que les gens se disaient au téléphone. Ouais. Mais Denis entendait. Ouais, non. J'ai pas compris. Là, j'étais perdu. Donc là, il y a eu un jeu d'oreillettes. On ne peut plus incroyable. Ouais, ouais. Denis, un peu bizarre, toujours les bons commentaires. Ouais, c'était un peu chelou. Mais d'un côté, bon. Je sais pas, en fait, je me dis, c'est chelou. Enfin, je trouve ça ouf que tu sois dans une situation de détresse telle que t'oublies le fait que, putain, ton appel téléphonique à ta meuf, il va être vu par, je sais pas combien a fait la dernière audience de Koh-Lanta, mais ça doit être dans les, c'est plusieurs millions de personnes en France, tu vois. Non, 3, je sais plus. Ouais. Je crois que c'était 3, on avait dit. Moi, dans ma tête, c'est 11 à tous les coups, donc je crois que c'est 3. Non, je crois que c'est 6, je crois que t'as raison, c'est plutôt 6 ou 7 ou même 8. Ah ouais, mec, attends, je sais pas en fait, j'en sais rien. Bref, ça fait des millions dans tous les cas. Ouais, et puis bon, au-delà des millions, il y avait quand même toi et moi, donc c'est ça, ça qui est important, ouais. Et non, c'est une expression qu'ils disent toutes, c'est devant toute la France. Mais bon, donc voilà pour cet appel, c'était plutôt cute. Ouais, mignon, ouais, ça valait le coup. Et ouais, ça créait encore une ambiance de vrais épisodes de Koh-Lanta, moi j'ai trouvé. Qui nous a manqué certaines fois, où il y avait aussi un peu d'émotions positives. Mais je pense que ça nous a rappelé qu'on était à 15 jours. Là, je crois qu'on doit en être plus. On doit en être à plus de 15 jours d'aventure. Et en fait, on aurait tendance à l'oublier vu qu'on a deux équipes de, tu vois, je sais pas, 8 aventuriers. Ouais. Qu'on voit qui sont pas non plus forcément super bien installés, qui pêchent peu, qui font peu de choses. On pourrait l'oublier. Et non, ouais, on est bien. Là, on est bien à peu près à un milieu d'aventure, quoi. Ouais, carrément. Et du coup c'était cool. Ouais, c'était chouette. Les mecs rentrent sur leur camp, les bleus sont on ne peut plus déçus. Il se remet à pleuvoir. Ouais, en plus, oui, c'est vrai, une catastrophe. Ouais. C'est là qu'ils ont failli perdre le feu ou pas, je me souviens plus. Non, c'était après, c'est le coup d'après. Okay. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une... je me souviens plus sous quelle forme c'était proposé. C'était une bouteille qui est arrivée à la mer qui leur a proposé de participer à cette épreuve un peu défi. Qui leur demande d'élire un représentant par équipe. Voilà. Donc là, bon, tout le monde savait très bien qui ça allait être, on va pas se mentir. C'était les plus forts de chaque côté. Donc on a à part Yves qui a cru que ça allait être lui. Oui, c'est ça. Parce que bon, exactement. Même, ouais, totalement, Il vend des tondeuses dans le Gers, tu vois, le mec, il est représentant, il doit représenter. Et il fait quand même 90 kilos, hein, attention. Ah ouais. Et du coup, c'est évidemment Vincent et Yacine, les deux, on peut dire, comment on pourrait dire, les deux princes de chaque équipe finalement. Pas forcément en termes de popularité, mais en termes de mental et de biscotto. Moi, je dirais plutôt que Vincent, c'est un genre de député, quoi. Là où Yacine, c'est un genre de despote, mais c'est pas vraiment qui s'est imposé, c'est juste que personne n'a vraiment le courage de dire « bon, tu nous fais chier », quoi. Bah, c'est juste que personne n'est capable de le renverser, parce que personne n'est capable de vivre sans lui aussi. C'est vrai. Et du coup, il leur crée cette espèce de situation de tension qui les frustre, hein. On s'en rend bien compte, mais on reviendra sur ça un peu plus tard. Oui, parce que là, on l'a vraiment vu, là, voilà. Là, il a dit « bon, écoutez, moi, je veux y aller ». Moi, si je suis à Koh-Lanta, c'est pour l'affrontement. Mais d'ailleurs, ce qui est un peu contradictoire, tu vois, parce qu'il prend tout son temps à aider les autres, à faire des petites faire des petites attentions. Et du coup, les mecs partent en fin de journée. Ils retrouvent Denis sur un coin de l'île, de nuit, qui leur annonce que c'est un affrontement qui va leur permettre de prendre un avantage lors de la prochaine épreuve d'immunité. Et l'épreuve est de tenir, donc quand tu me disais, budget zéro, ils ont un bambou de 3 mètres, ils doivent le mettre sur la tête et le garder le plus longtemps en restant dans un cercle. Alors dit comme ça, j'espère que vous regardez l'émission, parce que là sinon, vous, tout simplement, vous quittez le podcast. Non, ne nous quittez pas, il y a plein de choses à dire encore. C'était finalement assez marrant. Mais d'ailleurs, quand ils pensent, ils l'ont foutu de nuit avec une mise en scène face à face. S'ils avaient foutu de ça de jour, ça aurait été tragique. Ça aurait été risible. En vrai. Ça aurait été trop drôle. Alors que de nuit, c'était incroyable. Ah ouais, c'était une ambiance cosy. Et puis moi, juste, en fait, moi, là, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, de nuit, quand il se passe un truc comme ça, il était en plein milieu de la jungle à 3h du... Enfin, non, allez, à 22h. Et il a attendu 30 minutes. Et de temps en temps, il disait... Ça fait 30 minutes, et il rappelait les règles toutes les 5 minutes, mec, qu'il devait se faire chier, le pauvre Denis. Ah, mais ça devait être horrible. Là, et surtout, il devait avoir chaud, là, avec ses temps. Et puis, tu regardes deux malades qui bougent pas. Parce que, ça a quand même duré 30 minutes. Donc, les mecs se sont regardés dans le blanc des yeux, en tenant un truc de 3 mètres sur la tête pendant 30 minutes. À un moment, autour des 20 minutes, il y a Vincent qui, du coup, se laisse faire un peu chier, qui regardait par terre, qui dit « En fait, Cassine, il y a un scorpion qui va te bouffer le derrière. » Hop ! Denis arrive, dégaine son bâton. Content de pouvoir faire autre chose que regarder dans le vide en attendant qu'un des deux mecs craque. Hop. C'est le Donatello de Koh-Lanta. Exactement, il te l'a, mon gars. Mais il a fait un bon petit coup de bois, tu vois, un beau swing de golf. Shkring. Le scorpion est parti. Yacine a pu se détendre. Et c'est même tellement, tellement détendu et tellement resté zen et décontracté que à 32 minutes, c'est Vincent qui lâche. Après un petit faux mouvement, et ben il avait plus de force, il a pas réussi à redresser son mât. Et Yacine, le vrai prince de l'épreuve, quoi. Il avait même pas l'air de vraiment souffrir. Il y a eu quelques petites errances, mais franchement, il tenait super bien. Ouais, non. Impressionnant. Impressionnant et Yacine très modeste, tu vois, on sent pourtant qu'il est fier, tu vois. Yacine avait dit, moi je pense que ça soit Vincent et je veux que ça soit Vincent. Ouais. Et là il se dit, putain merde, attends, j'ai battu ce mec là qui est rugbyman professionnel. Il est trop fier de lui, mais il arrive à rester modeste. Ouais. Donc l'épreuve est finie, Denis leur dit, bon bah vous verrez demain exactement en quoi consiste cet avantage pour le jeu d'immunité. Et là ils passent la nuit ensemble. Voilà. Et surtout, surtout. Denis file le feu à Vincent pour qu'il remette le feu sur le camp des Bleus. C'était vraiment le lot de consolation. On a senti qu'ils se sont dit, bon, dans tous les cas, on peut pas les laisser comme ça. Faites qu'ils gagnent, comme ça, on pourra dire que c'est ça aussi la récompense. Puis Vincent a perdu, donc ils ont dit, bon, bah tiens, on va vous le donner, en fait. Parce qu'en soi, Réglo, tu vois, il l'avait fait un moment, tu vois. Bon. Ouais. Ils l'ont filé au jaune. Non, ouais, c'était pas possible. Les mecs, de toute façon, ils allaient mourir, en fait. Oui, n'oublions pas, effectivement, les allumettes filées au jaune, comme ça, au détour d'un temple. Et alors, ils passent la nuit ensemble, et c'est un peu l'occasion de se rapprocher, hein, finalement. De se découvrir, au final, parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ouais, c'est ça, ils se connaissent pas du tout, ouais. Et j'ai trouvé ça mignon, c'était assez cool. Bon, ils avaient pas grand-chose à se dire, mais ça les a un peu rapprochés de savoir qu'ils étaient tous les deux papas, etc. Ouais. Et alors, attention, là, il faudra mettre un petit son d'alerte rouge. Moi, je dis alerte. Alerte, alerte. Niveau d'alerte maximal. Alerte à l'alliance secrète. Ah. Moi, je la sens venir. Là, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr qu'il y a eu serrage de main et tape dans le dos entre les deux champions, finalement, de cette saison. Moi, j'en suis persuadé. Ouais, mais alors, dis-moi, à quel moment dans Koh-Lanta, deux mecs qui étaient les plus forts qu'on dit « Moi, je veux affronter que les plus forts », à quel moment cette alliance a fonctionné ? Jamais, mec. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est l'occasion cette fois-ci. Jamais. Mais en même temps, tu vois, Yacine, il a cette espèce de... Yacine, tu vois, il a... Ah, je sens que Yacine, tu vois, il est prêt Il a un collier déjà, quand même, faut pas l'oublier. Yacine, il peut aller loin. Moi, je pense qu'il a envie d'un beau combat, tu vois. Ouais. Donc, ils sont prêts à faire ça. Alors, Yacine, il préfère perdre contre Vincent que gagner contre... Oui, mais est-ce que les autres seront d'accord ? C'est ça, la question, tu vois. Parce que moi... Mais surtout, les autres sont déjà pas d'accord pour que ce cher Yacine avance. Toi, t'es tout seul, t'as une alliance d'un côté, t'as Yves et Mathilde, et de l'autre côté, t'as les deux meilleurs, tu te mets avec les deux plus nuls, tu vois. Ça me semble tenir la route. On verra bien. On verra. Moi, en tout cas, je me dis qu'il y a peut-être eu, tu vois, juste un petit truc de « Eh, ça te ferait pas plaisir qu'on soit tous les deux en finale ?» Puis l'autre a dit « Oh, ça serait chouette. » Si, tu vois, en regardant la grande ours comme ça, avec le bout des doigts qui se caresse. Moi, j'y crois. Moi, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire qu'ils vont nous sortir ça à un moment. Ça va me faire un petit peu de scène. Moi, je veux bien Yacine en mode, quand même, bon, là, t'as perdu, mais t'étais pas en forme, tu vois. La prochaine fois, tu me feras un peu plus suer, quoi, tu vois. Et je le vois bien comme ça, Yacine. je le vois bien comme ça. Un peu titillé, tu vois. Tu sais, avoir repris le scorpion qui était derrière lui et puis l'agiter devant Vincent, tu vois, comme ça. Ou lui mettre dans le col au moment où il s'endort. Donc, moi j'ai trouvé ça sympa parce que pour une fois, on commence à voir des tentatives de rapprocher les membres des équipes différentes Et puis, en vrai, pour éviter que les mecs finalement. Je pense qu'ils ont compris qu'il n'y avait rien. Sinon, en vrai, on se faisait chier. Il faut nous mettre des trucs à voir quoi. Parce que là, en fait, ils n'arrivent déjà pas à nous faire des intrigues de pré-conseil intéressantes. Ils n'ont pas de contenu. Donc, mettez-nous des trucs comme ça s'il faut. Qui soient intéressants à regarder. Moi, je préfère ça, tu vois. Totalement. Bon, tout le monde rentre au camp, donc Vincent arrive, évidemment, tout penaud, le monde est déçu parce que tout le monde était persuadé qu'il allait gagner, mais bon, il ramène le feu, donc ils peuvent quand même pas trop se permettre de gueuler. Non, effectivement. Surtout que, évidemment, tout le monde est persuadé qu'ils auraient pas fait mieux. Je pense que même Yves, au fond, on se dit que c'est pas possible. Et Yacine, finalement, quand il rentre, il y a un petit côté fanfare, quand même. Même Clem dit qu'il est remonté dans son estime. Incroyable. Exactement. Alors, évidemment, on n'est pas encore arrivé à « Est-ce que tu m'aimes, Yacine ?» Est-ce que je t'ai manqué ? Quel cinglé, putain, la tarée. Moi, à ce moment-là, je me suis dit « Bien joué, Yacine, très beau coup. » Sartek. Très, très beau coup. Sartek. Voilà, exactement. Et comment ça s'enchaîne après ça? On voit pas grand chose, il me semble que ça enchaîne assez vite. Y a rien. rien du tout, rien du tout. On ah non, dit, attends, surtout si, ici, il y avait quand même un truc incroyable, c'est que Yacine, il dit pas les choses, mec. Ah, ça, c'était incroyable. Vas-y. Yacine, il débarque sur le camp, et il leur explique l'épreuve sans leur dire ce qui s'est passé, qui a gagné. Il leur explique tout, il lui dit, j'ai fait une épreuve de force contre Vincent. Là, ils sont paniqués, ils disent, putain, OG, il a perdu. Et le mec, il dit, Vincent a lâché à la 32e minute. Là, incroyable. Là, voilà, ah ouais, c'était fou. Là, il revoit Zidane et Chirac en train de brandir la coupe en 98, tu vois. Totalement, totalement. Et si ce qui se passe, c'est que chez les Bleus, quand même, hop, qui arrive sur ces entrefaits, et bah Claire, après avoir fait une petite nuit à bien dormir en disant j'ai la tête qui tourne, hop, à rebouffer un petit coup, hop, elle revient comme une championne en disant je suis prête à en découdre. Elle avait quand même vraiment pas l'air bien, tu vois, moi. J'ai des petites expériences où je vais courir à jeun le matin et après j'arrive plus à parler comme un gogol. Elle était pareille, mais voilà, ils sont 10 fois pire, quoi. Tu vois, elle était. Ça marchait plus là-dedans, quoi. Mais du coup, Claire revient, donc les mecs se sentent un peu moins seuls quand même. Clairement. Parce que là, si j'étais à 5. Eh ben, attends, il y avait Mathilde, Kelly, Yves. Ouais, Yves, Fred, Corentin, Vincent. Donc ouais, ils étaient 6 en théorie, mais sauf que Vincent n'était plus là parce qu'il était parti à l'épreuve. Donc 5 un temps. Ouais, ouais. Donc ils étaient vraiment, ouais. Putain, avec 3 qui se parlent pas trop et... Donc là, okay, sur le camp bleu, mais j'arrive toujours pas à cerner Mathilde au final. C'est ça qui est bizarre, je sais pas avec qui elle est, pour qui elle est, pour qui elle roule. Je sais pas, on verra plus tard ça, mais... Ouais. Il y a plein de choses comme ça qu'il faudrait élucider. Mais en fait, hein. Même pour tout le monde, ben ouais. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils leur posent pas la question, donc ils peuvent pas nous les montrer. Et c'est au moment des éliminations qu'on devrait se rendre compte de tout ça. Et puis finalement, comme leur suspense est pourri et qu'on comprend rien à ce qui s'est passé avant, ça tombe à chaque fois à plat, quoi. Complètement. Mais pour ne pas rester sur une petite mauvaise note, parlons de cette épreuve d'immunité qui était. Ah, bah oui. Encore une fois, trop drôle. Fait avec 3 francs 6 sous, mais ultra cool aussi. Mais finalement efficace, quoi, comme d'hab, c'est finalement. Je saurais pas leur expliquer. À chaque fois, ça marche. Enfin, il y avait un truc. Alors, genre, ouais. Je peux tenter si tu veux. Il y avait 2 plateformes qui étaient reliées par une corde de funambule, finalement, avec une deuxième au-dessus, dont des cordes pendaient pour aider les mecs à s'accrocher avec les bras, parce que tenir en équilibre sur une corde, faut pas exagérer, avec des mecs avec des chaussons qui arrivent à faire ça. Et la corde du bas, donc sur laquelle ils devaient poser leurs pieds pour tenir en équilibre, était en fait lâche d'un côté. Et donc, les membres de l'équipe de la personne qui traversait devaient la tirer pour la tendre et ainsi, déjà éviter qu'elle bouge trop et leur permettre de s'accrocher plus facilement aux cordes qui pendaient en haut. Le principe, c'était que ça. Et puis, petit à petit, quand ça avançait, en fait, il fallait d'un seul coup... Il y avait un nœud à l'extrémité de chaque corde, de la corde qui tirait en bas. Il fallait changer de côté, tirer le nœud contre le truc et du côté où on est le plus, la maintenir pour la retendre. En fait. Ouais. Parce qu'on avait moins de force, forcément. Et j'ai essayé d'expliquer ça le plus simplement possible, mais c'est quand même... Non, c'était bien. C'est pas très imagé. Je pense que, de toute façon, écoutez, les amis, vous avez regardé l'émission, ou si vous ne l'avez pas regardé, allez la regarder, parce que c'était une très bonne émission. Ouais, c'est ça. Et non, parce que c'était la première partie, parce qu'après, ils devaient démêler un truc, et ensuite monter tous sur une plateforme qui était à 8 mètres. Enfin, non, pas 8 mètres, mais 3 mètres. Et faire un espèce de petit quiz un peu pourri où il y a un anneau avec un trou dedans, quoi, percé, enfin, je sais pas comment dire, fendu, et il faut le faire passer le long d'un truc qui ressemble à un cactus. C'était un docteur Maboul pour des mecs en rééducation exactement. Voilà, exactement, totalement, mais enfantin. Ouais, une fois de plus, ils ont failli tomber quand même dans le truc de on met 3 épreuves à la suite qui servent à rien, alors que la première elle aurait suffi. Mais au moins c'est passé vite parce que c'était vraiment enfantin. En fait, c'était cool de les voir grimper sur la plateforme. Tu vois, j'ai trouvé ça cool parce que c'était chouette de dire sympa. Putain, ils sont forts quand même. Et donc. Là, plus que voir Yacine qui faisait des mouvements de bras, on a l'impression qu'il conduisait un train. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que Yacine, au début de l'épreuve, grâce à l'épreuve qu'il a gagnée, peut aller voir les constructions, analyser les trucs. Il analyse d'ailleurs ultra bien ce qu'il doit faire. Il comprend tout, il dit ça y a le truc là, le docteur Maboul pour handicapés, je m'en occupe. Il l'apprend. Il l'apprend et ensuite il repart, il va expliquer tout à ses copains et c'est parti. Et l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il analyse ce fameux jeu de cordes qui fait qu'à la moitié on doit changer de sens et tirer de l'autre côté. Et finalement, c'est un avantage qui est bien plus conséquent que l'autre qui était de commencer 30 secondes en avance. Et alors, 30 secondes, vous imaginez bien sur une corde qui fait 6 mètres à traverser, c'est rien du tout. Et d'ailleurs, ils la perdent dès le début, parce qu'il y a Marjo qui se lance là-dessus avec le bide qui va le dingue et elle glisse, elle tombe à l'eau, plus d'avance. Obama, c'est... Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, les bleus sont en forme au début, hein. Ils vont plus vite que les rouges. Je crois que c'est Yves le premier à passer. Il s'en sort. Royal pour une fois. Et là, alors que donc on doit la manière dont c'est censé fonctionner, c'est qu'il y a un seul côté de la une seule plateforme qui doit tirer sur la corde parce que le nœud va le bloquer. Yves se met à tirer sur l'autre bout de la corde. Donc en fait, ils ont un truc qui est moins stable. Après, à sa décharge, avoir traversé avec brio. Mais du coup, il essayait de tirer sur un nœud qui était coincé. Ouais. Non, je crois que c'est Vincent qui lui suggère de le faire. Peu importe, en tout cas, personne lui a dit de pas le faire, tu vois. Et tout le monde a suivi cette tactique-là derrière, tu vois. Donc, ce qui fait que la corde était pas stable du tout, parce que bah, y avait des moments où ça tirait, ça retirait. Voit Claire qui peine comme une dingue à passer, qui se casse la gueule 5 fois. Mais les bleus arrivent quand même à être en avant. Je crois qu'à un moment, ils sont 5 à être passés chez les bleus contre 3 chez les rouges. Sauf que plus ça va, plus leur stratégie de finalement rajouter du mou à la corde fait que, bah, par exemple, Claire, on voit qu'elle a du mal même à attraper les cordes en hauteur. Alors que vraiment, normalement, elle pend jusqu'à ta cuisse ou ton genou, quoi. Et donc, en fait, ils s'abordent eux-mêmes, quoi, sans réfléchir, comme des bœufs, sans se remettre en question, et en pensant que les autres sont nuls s'ils n'arrivent pas à traverser. Et puis, plus ça va, plus ils se fatiguent en tirant sur la corde, donc ça devient de moins en moins stable, et ce qui fait que Claire réussit à passer, mais à la fin, il reste que Fred et Vincent. Les deux sont claqués parce qu'ils ont tiré comme des bourrins, et ils galèrent comme des dingues pendant que les rouges passent tous. Yacine torche le jeu de Dr Maboul et il monte sur la plateforme. Franchement, Seb, ils sont en mode faites vite la cour d'échelle. Le temps qu'ils aient dit échelle, il est déjà en haut, tout seul. Tout le monde monte, ils traînent les nanas à monter en haut et puis ils gagnent. Ils gagnent et ils les écrasent là pour le coup. Frédéric nous a encore fait des moves de singe complètement incroyables sortis de nulle part. Tarzan. Alors lui, George vraiment, il va y avoir des épreuves d'agilité, il va défoncer tout le monde. C'est incroyable, quoi. Courir contre ce mur pendant 10 secondes, il va le faire. Il va continuer dans le ciel après. C'est lui qui a inventé le parcours en France. En fait, on ne l'a pas dit, mais... Yamakasi. Impressionnant. Moi, j'ai trouvé que cette épreuve, elle était rigolote parce que finalement, elle faisait ressortir des gens auxquels on s'en serait pas tellement attendu. Par exemple, Maria... Ça a été vraiment une promenade de santé pour elle, alors qu'on s'attendait à ce que ça soit une catastrophe. Et du coup, j'ai trouvé intéressante. Tu vois, par exemple, Brahma, ça se trouve, il s'en serait bien sorti sur celle-là. Ça aurait mis. C'est Dredd aurait prévu pour s'accrocher à la corde du haut, et puis voilà, quoi. Bah, c'est le fameux commentaire d'Yves, les Dredd de Brahma nous auraient bien servi dans l'épreuve de la boue. Ouais, tu m'étonnes. C'est sûr que là, il y a un beau hectolyte. Il n'y aurait plus rien. Il sèche des lacs avec son Dredd, mon gars. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils mettent les Dredd sous l'eau. En fait, on veut croire que c'est parce que ça pourrit, mais non. Sinon, ça assécherait la terre, mec. Mars en 3 jours. Les rouges gagnent. Voilà. Les bleus. Donc, tout le monde est ils ont les boules, mais bon. Bah, ils sont deg. Ils rentrent sur le camp, le feu est en train de s'éteindre. Donc, ça va parce qu'ils en avaient mis dans la casserole, ils recommencent. Mais eux, vraiment, leur vie, c'est-à-dire que c'est un long cercle vicieux, une descente aux enfers interminable. Ah, c'est terrible. Hein, ils se font pleuvoir dessus, ils perdent leur feu, Entre-temps, à chaque fois, ils perdent une épreuve. Là, vraiment, c'est un peu compliqué pour eux, quoi. Je sais plus ce qu'ils font, mais ils sont... Il me semble qu'ils commencent un peu à parler du conseil. Et là où l'épreuve était super bien jusqu'ici, bah, c'est encore une fois un échec total de montage et de compréhension de ce qui va se passer au conseil. Incroyable. On nous montre que Yves, à un moment, il est énervé contre Kelly. Et parce qu'il parle trop, les gens commencent à être énervés contre Yves. Et là, tout d'un coup, Yves, il est énervé contre Claire. On sait pas pourquoi. Parce que, elle s'en est pas bien sortie à l'épreuve. Et que, alors qu'elle a fait un tour à la clinique, elle aurait dû bien s'en sortir. Donc, franchement, Yves, là, il est outrageux. Je veux dire, c'est un connard. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Personne lui dit rien, à part Fred, je veux dire Corentin qui est en train de pioncer à côté. Putain, mais il y a un mec qui dirait ça, je veux dire, attends mec, ta gueule, quoi, il y a un moment, ça suffit. Et même Fred, il lui dit ça alors qu'il le soutient quand même depuis le début, et là il commence à en avoir à la casquette. Alors que Fred, quand même, ça a l'air d'être le roi de la patience. C'est vraiment le mec, tu peux lui rentrer, un petit mouchoir dans le nez pour essayer de le faire éternuer. Le mec, il s'en fout, il regarde toujours l'horizon. Mais non, il y a Yves qui arrive quand même à le faire chier, au point qu'on a vu que dans l'épisode prochain, ils vont même commencer à se gueuler dessus, quoi. Ouais. Donc ouais, tout le monde commence à dire, finalement, encore une fois, on a l'impression que tout le monde va éliminer tout le monde. Ouais. On comprend pas ce qui se passe, et d'un coup, boum, bah finalement, il y a quand même consensus contre une personne. Ouais, voilà, voilà. Et vraiment, c'est toujours pareil avec les bleus, c'est très chiant, et ça sert à rien de regarder, parce qu'on comprend rien. La dernière fois, on était persuadé que ça allait être Brahma, c'est même pas du suspense, parce que c'est random. Et c'est nul. Non, mais ce qui est chiant, c'est que les mecs ne luttent pas, quoi. Kelly, elle est allée se poser dans la plage et pleurer. Bon, effectivement, elle avait peut-être pas grand chose à faire parce que elle était peut-être pas beaucoup aimée, je ne sais pas. Mais en tout cas, putain, enfin, franchement, là, il y avait un coup à jouer. Je veux dire, le Yves, il y avait moyen de le faire têche, quoi. Il est tellement insupportable. Ouais, de toute façon, c'est le prochain sur la liste, hein. Faut pas se leurrer. Bah, en fait, ce que je trouve un peu naze, c'est que moi, je me suis dit, il montre tellement. Kelly qui accepte qu'elle va partir, que ça va évidemment pas être elle. Ouais. Et en fait, eh bien si. Mec, pareil, c'est Kelly. J'en peux plus, à chaque fois, il tue le suspense au conseil, quand il dit, voilà, ce bulletin peut être décisif, et là, il y a un truc qui fait... Il y avait des petits... qui craquent, et là, tu sais très bien qu'ils vont pas dire... Non. Bah oui. Tu sais que c'est fini, tu vois. Bah oui, parce que si elle... Ouais, ils mettent le son du suspense en mode la réponse qui arrive va être fatale. Il y a peu de choses sur lesquelles je dirais ça, mais ils devraient prendre exemple sur Cyril Hanouna à La Nouvelle Star, qui faisait un très bon suspense au moment de révéler qui avait gagné ou été éliminé. Il n'y avait pas de bruitage à la con, il n'y avait rien de tout ça. Ouais, c'est vrai. Un gros suspense, une musique, une loupe de 10 secondes qui boucle. Ah, le regard un peu attristé, concerné. Et bah, voilà, ça fait... Je trouve que là, Denis, il chie un peu dans la colle, là. Ouais, ouais. Mais bon, et donc du coup, oui, effectivement, tout le monde... Encore une fois, on en revient au son qui fout en l'air l'expérience. Ouais. Hein. Super, Damien, merci. Il me semble... Alors, attends, il y a... Kelly, elle a voté contre Yves, je crois. Ouais. Il y a quelqu'un qui a voté contre Claire. J'ai dit qui c'était. Exactement. Ouais, mais je me souviens qu'il avait fait un beau E. Ouais, et puis il y a eu un Kelly, K-E-L-I. Incroyable. Ah, sérieux? Ouais, ouais. Oh là là, putain, mais c'est pas possible. Mais qui peut écrire comme ça? C'est Corentin? Non, je crois que c'était un vieux. En plus, je me suis dit, putain, il a jamais vu. Il a jamais dû voir le nom écrit, mais non, c'est juste que c'est un casso, ça. Oh. Enfin, ah, c'est chaud. Tu vois, parce que bon, être casso, c'est pour appeler sa fille Kelly, mais être casso, c'est au point de pas savoir écrire Kelly. C'est chaud. Dédicace à toutes les Kelly, on vous aime. Brahma, personne n'a fait de faute à son nom, quand même. Hein. On se demande encore comment c'est possible, et les mecs font des fautes à Kelly. Ouais, mais tu sais, les Français, dès qu'ils voient un nom exotique, ils mettent des H partout, tu vois, donc... Ah, ça, c'est trop bien. Mais ouais, donc du coup, Kelly part, les boules, elle parle, elle dit pas grand-chose, mais après, elle la mauvaise, tu vois. Non, alors, je sais qu'un truc qui m'a marqué, c'est Claire qui vote contre Kelly en disant « on n'a pas grand-chose en commun », bon, en gros, elle la kiffe vraiment, puis Kelly dit « t'aurais mérité de rester plus longtemps ». Écoute, ma grande, si tu veux que quelqu'un reste plus longtemps, tu votes pas contre lui, hein. Fallait voter contre Grobide, qui passe sa journée à se plaindre. Oh putain, il est insupportable. Non, non, mais ouais, c'est un peu nul, franchement, j'ai pas compris, et encore une fois, bah... On va pas faire les conspirationnistes, hein, mais après l'alliance cachée, est-ce qu'il y aurait pas un abandon un peu caché? Je trouve ça bizarre parce qu'à la fois elle dit qu'elle en veut encore, mais peut-être. C'est bizarre quand même, franchement ça fait plusieurs fois qu'on comprend pas. Moi je comprends pas pourquoi Yves ne part pas, je veux dire le mec est odieux avec tout le monde, enfin il y a un moment, je vois pas pourquoi il serait accepté un homme comme ça. Enfin on parle quand même de l'équipe qui a viré Dylan au début parce qu'il le trouvait insupportable, tu vois. C'est ça, et alors que le gars, qui s'est posé la question de dire on va virer des hommes pour pouvoir... regagner le truc, donc finalement tous les mecs normalement sont dans une espèce de terrain glissant. Ouais moi j'ai du mal à comprendre, et surtout je me dis que s'il y a un moment, c'est possible que de la même manière que Dylan, tu vois, 10 minutes avant, quelqu'un retourne la tête de tout le monde. Clairement. À ce moment là pourquoi ils sont pas capables de le filmer à chaque fois, quoi? Tu m'étonnes. Je ne sais pas un peu nul à Yesh. Complètement. C'est pas la première fois, et là franchement je l'avais mauvaise sur la fin. Les épisodes se suivent et se ressemblent, il y a des éliminations un peu pourraves à la fin. C'était con parce que c'était bien. Ouais, l'épisode était bien. L'épisode était vraiment bien pour le coup, on s'est pas fait chier comme certains d'avant. Et du coup, petit teaser pour l'épisode suivant, et là, la hype est là, tu vois, il y a des engueulades, il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais, carrément, ouais. On espère qu'il y aura encore des épreuves pourries avec deux bouts de carton, parce que c'est celle qui marche le mieux. Hein. Rappelons quand même que parmi toutes celles-là, les meilleures, il y a eu aussi celle où il portait une corde en tournant en rond autour d'une piste pourrie avec une barrière, et ça marche super bien, quoi, c'est génial. Je veux dire, objectivement... on prend tous les jeux qui ont été designés, tu vois, les jeux télévisés, les Interville, les conneries comme ça, les meilleurs jeux qui ont jamais été faits, c'est les jeux contre les maîtres du jeu dans Fort Boyard, mec, et c'est des trucs à la con, qui sont tout simples, et qui se jouent sur un plateau, tu vois, c'est trop bien. Il faut prendre exemple là-dessus, alors l'adapter en version équipe et en version plein air, mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait là, je trouve, tu vois, c'était simple, ça marchait. Ouais, c'était super. Bon, du coup, je pense qu'on a fini sur cet épisode. Walou, on a fait le tour, non? Bah ouais. Bah ouais. Donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé qu'on faisait pas le quiz, qu'on ne faisait pas les tweets, non. Parce que les tweets, de toute façon, il y en a marre, ras le cul, on n'en peut plus. Et les gens, on se fait un podcast par semaine, vous imaginez, c'est un jour on regarde l'épisode, un jour on enregistre, et un jour on édite. On n'en peut plus, là, c'est 3 jours sur 7, moi je n'en peux plus. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le conseil, quand même. Ouais, les conseils, donc conseil, c'est soit positif, soit négatif. Soit on hagarde un mec, soit... fait une petite reco de l'amour soit on fait un petit pour psartec. Un truc qui nous a fait plaisir. Voilà. Et puis après, on verra. Bah oui, après, il y a le jeu d'alcool. Il y a le jeu d'alcool à compter. Ouais. Ah, il y a le jeu d'alcool. C'est vrai, il va falloir faire déjà le débrief du jeu d'alcool. On verra si on en avance. Et bah, c'est parti. Tu veux commencer pour le conseil ? Bah non, je sais pas ce que je vais dire encore. Bah, très bien. Bah, alors, moi, je vais commencer. Tiens, hop. J'ai un truc un peu original pour vous cette semaine. Et je vais continuer dans ma. Ah non, là c'est vrai, j'allais dire une bêtise, la semaine dernière j'étais dans la négativité puisque je vous avais parlé du film Power Rangers qui avait une bouse monumentale et donc aujourd'hui, eh bien c'est l'heure de l'amour, c'est l'heure du LOL. Et du coup je vais vous parler du RP sur GTA 5. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est le RP ? C'est du roleplay, c'est-à-dire que finalement c'est du jeu de rôle. Comment on pourrait définir le jeu de rôle facilement ? Bah tiens, c'est le jeu du loup-garou. Chacun a un rôle et chacun doit s'y tenir et le jouer le plus possible comme si c'était sa vraie vie. Voilà, alors dans GTA, c'est rigolo parce que GTA, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'un jeu où on est un gangster, on vole des voitures, on tire au pistolet sur des mecs et on participe à divers trafics. Et là, c'est en ligne, en multijoueur, avec d'autres gens. Chacun a sa place dans la société. Donc, on peut être conducteur de taxi, président, je sais pas moi, laveur de carreaux, dealer, policier. Et alors tout ce monde-là joue son rôle dans une ville immense inspirée de Los Angeles. Et c'est génial, c'est très drôle parce que les mecs sont vraiment incroyablement bons. C'est-à-dire qu'ils jouent, on dirait presque que c'est un script qui a été écrit. Et c'est super. Et du coup, on vous conseille les vidéos, parce que on en a partagé pas mal avec Lucas. Ouais. On vous conseille les vidéos de Nabil Laresh, dont le pseudo est Aikilu, A-I-E-K-I-L-L-U. Et de je sais pas aussi, tout attaché sans S, et c'est vraiment très drôle, et franchement essayez, regardez un épisode et vous allez vous rendre compte que c'est The Wire, mais en version à pleurer de rire et joué par des mecs qu'on entend. On vous mettra les liens en description, faut qu'on prenne l'habitude de faire ça sur c'est son vrai, cloud, c'est vrai, c'est vrai. De vous mettre cliquez les liens sur le lien dans la description et vous allez voir, franchement c'est des sales barres de rire. Voilà, c'était ma reco. Eh ben moi, j'essaie de penser, je vais éviter de vous conseiller des conneries. Merde, c'est pas ce que je viens de faire. Du coup, ce week-end, j'ai regardé, j'ai tapé, alors je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Je voulais regarder un film, je ne savais pas quoi, j'ai tapé Film Action 2016. Et là, on m'a suggéré, je te jure mec, c'est mon portable. C'est pas possible. Si, j'ai fait ça, donc on m'a suggéré 15 000 Marvel de chi qui ne servent à rien, donc tu vois, des X-Men 13, des trucs de merde que j'ai regardé dans l'avion et je me suis endormi. Et non, là, on m'a suggéré un film que je n'avais pas vu, mais dont j'avais entendu un peu de bien, c'était Les Animaux Fantastiques, donc qui est un film qui se passe dans l'univers d'Harry Potter et qui est adapté d'un autre livre qu'a écrit J.K. Rowling dans l'univers d'Harry Potter et qui nous raconte en fait l'histoire de je crois qu'il s'appelle Norbert Dragono qui débarque à New York avec des créatures fantastiques. Ça se passe il me semble alors avant la Deuxième Guerre mondiale à New York et c'est vraiment super bien. J'ai pas envie de vous résumer plus que ça le film. Si vous aimez Harry Potter, regardez-le. C'est intéressant parce que ça nous montre une autre époque, ça aborde peut-être plus un côté politique en fait. Dans le sens où les États-Unis en fait ont des règles différentes de celles qu'on connaît par rapport aux moldus, à plein de choses comme ça, aux bêtes, énormément de choses, et du coup ça paye pas de mine, tu vois, au début tu vois ce truc, il y a des petites bêtes mignonnes, et en fait non, c'est un propos assez profond, ce qu'on pourrait presque reprocher au film, donc c'est la fin est un peu décevante, dans le sens où il y a ils essayent d'avoir un propos, puis au final, bon, tu vois, il y a... ça tombe un peu à plat, mais le film est très bien. Ouais, bah les couilles, enfin c'est quand même Harry Potter, quoi. Il y a un moment, c'est-à-dire que les copains c'est gentil et que les méchants c'est méchant. Et ben justement, tu vois, je trouve pas, parce que tu vois, il y a tout un truc sur. Vraiment pas, tu vois, sur. Enfin, plein de choses, tu vois, sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester caché, énormément de choses. Mais je trouve que voilà, la fin, bon, c'est vrai que j'ai pas envie de vous spoiler. J'aurais énormément de plaisir à en parler avec vous. Je ne sais pas quand, un jour, hein, mais voilà, je vous le conseille, c'était sympa. Et puis, par SMS au 06 75 80. Non, c'est plus 3, 5, 3, 8. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais. Ah bah oui, forcément. Ouais, ouh là là. Ouh, bah données géographiques, attention. Oh bah, qui viennent me chercher, hein. Je les attends, avec mes copains. Ok, et Attends, je savais pas du tout que c'était dans l'univers d'Harry Potter, du coup. Si, je te jure, mec, c'est super bien. C'est super bien. Ça l'enrichit, je suppose. Ouais. Ça te donne un peu de... Complètement, vraiment, je m'attendais pas à ça. De macro sur le sujet. Ok, bah écoute, moi je vais peut-être me laisser tenter. Ouais, ce mec-là a écrit un livre, qui est le livre, un livre qui est dans Harry Potter, en fait. C'est le livre dont Hagrid est fan. Voilà, vous verrez bien. Mais c'est super cool. Ouais. Je suis un peu Potterhead sur les bords, il faut l'avouer. Hein, je ne joue pas au Quidditch, mais voilà quoi. Est-ce qu'on passe à cette histoire de jeu d'alcool? Parce que bon, je me suis quand même fait chier. Ah bah ouais, là il faut faire les comptes. Ouais, carrément, ouais. Alors, pour une fois qu'on a fait les comptes et qu'on fait pas une impro un peu pourrie, on dit ouais, c'est un peu 6. Des fois, je prends le temps de les faire parce que ça vaut le coup. Donc attends, je voudrais juste être sûr que j'ai bien fait les comptes. Là, la règle était toute conne. J'ai bien fait les comptes sur le bon truc. C'était des pleurs. À chaque fois qu'un mec pleure, voilà. Un mec ou une fille, hein, bien sûr, c'est. Alors. C'est pas un jeu genré. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est-à-dire que c'est bien tombé sur le coup du téléphone, quoi. Ouais, vraiment, c'était le bingo. Mais surtout, mec, incroyable, parce que les mecs ont chialé. Ça commence au moment où Denis monte le téléphone, donc pas encore... il pleure. Ça s'appelle faire une Félicie, hein, dans le jargon. Maria commence à pleurer au moment où il monte le téléphone, et ça se calme un peu. Ensuite, j'ai écrit « rebelote », donc il me semble qu'elle a pleuré au moment où Brahma a dit qu'il abandonnait, et ensuite au moment où on a montré le téléphone. Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi, donc je pense que tout ça a un peu participé, c'est difficile Attends, de non, les couper en petits morceaux. Ouais. Il y a eu le moment où elle s'est rendue compte que Félicie était plus là aussi. C'est vrai, il y a ça. Alors, il y a ça. Donc Maria pleure une première fois, elle pleure une deuxième fois. Là, on est toujours avant l'épreuve. Manuela pleure, ouais. Sandro pleure et Yves pleure. Et Vincent y est presque. Donc là, juste avant que l'épreuve n'ait commencé, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5. 5 shots. Ouais, c'est bon. Déjà, normalement, vous commencez un peu à loucher. Ouais. L'épreuve se passe, tout va bien. Les bleus perdent, Yves pleure après l'épreuve parce qu'il voulait demander sa femme en mariage. Ensuite, donc on en est à combien là? Là, on en est à 6. Ensuite, la séquence commence par rapport au numéro de téléphone. Sébastien pleure. Bam. Bastien pleure. Manuela pleure. Clémentine pleure. Donc là, attendez, si on compte bien, on était à 6, là on est à... Là on est à 9. Non, on est à 10. Sébastien, Bastien, Manuela, Clémentine. Oui. 10. My bad. Ensuite... J'ai pas compté, moi. Là, attention, Marjorie pleure. Bam. Ensuite, donc 11, 12, son mari pleure. Oh. 13, ah oui. Oh, sa fille pleure. Bien joué. 14, son fils pleure. Oh, excellent. Oh, je l'avais pas vu venir. C'était incroyable, je n'en pouvais plus. Ensuite, Maria pleure et Sandro pleure. Sandro, très émouvant. Je me suis arrêté à là, donc si on compte bien, on en est à... Il me semble... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 shots, les amis. Autant dire que vous n'avez pas vu la fin de l'épisode. Hein. C'est clair. Franchement, incroyable, ouais. Il y a eu un petit pouvoir de médium caché, quoi. Parce que c'est pas possible, c'est trop bien tombé, quoi. La seule chose que vous pouviez faire, c'est prendre la bouteille, la verser en I et ne plus réfléchir. Voilà pour ce petit jeu d'alcool. Ouais, c'est vrai, effectivement, Kelly pleure pas quand elle est éliminée. Non, bravo. Ouais, et Yacine non plus quand il a un numéro de téléphone. Gladiatrice. Ouais, carrément. Ah, mais non. Ah non, c'est Félicie, la gladiatrice. Et elle pleure. Dieu seul le sait. Est-ce qu'on va se laisser, Louis? Bah ouais, j'ai parce que moi, je t'avoue. Là, comment ça se fait qu'on a réussi à tenir aussi longtemps à deux? C'est impressionnant, ça. Ah, parce qu'on est des vrais pipelettes, de toute façon. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand on s'y met. Tout ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une heure avant et puis il y aura sûrement une heure après, là. Ah ouais, mais je t'avoue que je m'endors, mais c'est oh, le mec, il a une heure de moins, il se permet de s'endormir. Ouais, quoi. C'est toute la bière que j'ai bu, c'est terrible. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. C'est sûr. Mais non, t'inquiète, ça va aller, je vais aller faire pipi et ça ira mieux. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, les amis, donc on va vous laisser avant qu'on dise d'autres choses plus intimes. Hein. Ouais, c'est ça. On vous retrouve la semaine prochaine. Bah c'est ça, gros baiser. Et puis, dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est mieux sans Franck. Ouais, Sonia sera plus bavarde la semaine prochaine, hein, parce que bon. Oui. Là, ce soir, elle est un peu timide. Mais dites-lui que vous avez bien aimé. Et la semaine prochaine, elle sera d'autant plus en forme pour la prochaine émission. C'est ça. Super. Bon, bon, on se fait des gros bisous sur la joue, ouais, sur ouais, le carrément, ouais, sur le front, partout. Ouais, voilà. On va pas faire comme les nazes à dire sur la fesse gauche alors qu'on est même pas capable de le faire. Allez, vas-y. Sous. Non, je vais dire des bêtises, hein, c'est plus la peine. Hein. Sayonara. À Jimmy. Clem la rage.